Chaque jour qu'on me donne peut ébranler ma foi. Chaque fois je m'étonne de retomber sur toi. Déjà je m'époumonne pour retrouver ma voix.